l'entité maîtresse ou le double luciférien. Pour identifier l'entité maîtresse dans une conscience, il est impératif que l'homme se demande, premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère dans sa conscience sans qu'il ne le sache? Et comme il y a toujours dans une conscience des forces astrorhythmiques qui entrent en contact avec la conscience de l'ego, il est nécessaire que l'homme comprenne que l'entité maîtresse ou le double sphérien font partie de l'intégration de sa source. C'est-à-dire que l'esprit dans l'homme ne peut pas être lumineux à 100% jusqu'à temps qu'il puisse en voir toute la configuration cosmique de cet esprit. C'est pour cela qu'il y a cette entité maîtresse ou ce double luciférien qui pourrait être décrit de cette manière. L'entité maîtresse fait partie du monde de la mort. Au niveau de sa conscience énergétique, il y a dans l'entité maîtresse une panoplie de mémoires pouvant se greffer à celle de l'homme parce qu'il y a dans son ego des failles. Et nécessairement, ces failles servent la mission de l'âme qui est, elle, de pouvoir jumeler la conscience de la vie sur la planète Terre, de plaisir agréable, mais aussi à la défense de certains territoires qui permettent à la croyance, à la crainte ou encore à toute autre forme d'assujettissement ou de subversion d'être dans l'ego une exposition à ces failles. Parce que les failles de l'ego ne sont pas toutes comprises par l'homme, il y a nécessairement un jeu qui se joue entre l'esprit et l'entité maîtresse ou ce que l'on peut appeler le double sphérien parce que le double cosmique sait très bien qu'il doit utiliser des entités du monde de la mort ou encore des failles de l'ego ou des mémoires liées à l'âme pour assurer une configuration cosmique dans l'ego qui sera totalement parfaite. Ainsi, l'entité maîtresse a toujours une certaine vibration qui permet au monde de la mort de se rapprocher de l'homme vaillamment. Et tant que l'homme ne comprend pas qu'est-ce qui lui colle au derrière en lien avec le principe de l'énergie d'une entité maîtresse, c'est-à-dire qu'il y a dans cette entité une programmation astrale pouvant mener l'ego à être subjugué, c'est-à-dire on peut le manipuler sans que lui-même ne le sache, parce que la vibration de l'entité maîtresse est toujours reliée à une interface pour enlever à l'ego de l'autorité sur sa vie. Bien que l'ego puisse croire que son comportement ou des façons d'être sont pour lui des dimensions réelles de sa conscience, il n'en demeure pas moins qu'il peut être manipulé. Et c'est pour cela qu'avec le temps, l'homme doit comprendre que l'entité maîtresse veut toujours faire sur l'ego une avancée qui lui permettra d'être dans sa parole une réalité absolue que l'ego ne pourra pas voir parce qu'il comprendra ou il pensera que cette façon d'être de lui-même est nécessairement une partie gagnante de sa réalité, alors qu'il s'agit d'une réflexion pouvant mener l'ego à se réfléchir à un point tel qu'il considère que ce qu'il dira est réellement sa vérité ou sa réalité. Une personne, par exemple, qui est souvent dans l'argumentation, ou une personne qui aime inciter dans sa parole des oppositions inutiles, que ce soit dans une vie de couple ou dans un travail, parce qu'elle cherche à s'imposer sur l'autre d'une certaine façon, ne verra pas que ce qu'elle fait est nécessairement une manière pour elle de se prouver ou de se donner de la valeur. L'entité maîtresse se cache toujours derrière l'impression que l'homme a raison, et si bien que dans ses comportements, la personne agira pour créer dans sa propre vie de l'espace, alors qu'elle en fait, elle ne fait que rétrécir son champ d'action et sa vision sur sa psyché en lien avec les pensées astrales qui nourrissent dans son ego l'entité maîtresse. Qu'est-ce que l'entité maîtresse? L'entité maîtresse est une panoplie de mémoires qui embrasse dans l'ego les failles de ce dernier pour le manipuler jusqu'à un tel point que la souffrance qui sera vécue dans cet ego aura un jour à être dévoilée. Mais cela peut prendre énormément de temps parce que tant que l'individu n'est pas capable de converser d'une façon très tranchante avec son double, cela veut dire que le double doit être mis au pas par l'ego dans l'homme et sa colère et sa haine contre tout ce qu'on lui cache pour arracher à la conscience du double la réalité d'une vision imposée sur sa conscience par l'entité maîtresse. Bref, lorsque l'ego ne voit pas qu'il est manipulé, il n'y a pas de contact télépathique conscient qui se fait avec l'esprit jusqu'à ce que la souffrance émise en lien avec le caractère occulte de l'entité maîtresse amène l'ego à se révolter contre le double. Et il faut comprendre que le rôle de l'entité maîtresse se situe énormément à ce niveau, soit qu'un jour elle doit amener, et cela le double luciférien, si on l'appelle ainsi, le sait très bien, car le double cosmique sait qu'il peut utiliser des contrefaçons pour amener l'ego dans une souffrance telle qu'il amènera lui-même à se révolter contre sa propre intelligence, son esprit, qui est son double cosmique. Donc, l'entité maîtresse a pour tâche de véhiculer dans l'ego des formes de vie très subtiles pour éventuellement amener à un apex de confrontation l'homme envers l'invisible, à une contestation absolue de sa manière à voir la vie pour que celle-ci puisse générer dans ses pensées une absence totale de réflexion. Tant que l'ego se réfléchit, il y a toujours l'entité maîtresse qui agit sur sa conscience parce que cela agit comme un lien qui est non direct. Et pour couper ce lien non direct, l'homme doit nécessairement se mettre en colère et exiger au préalable de savoir que la subtilité la plus présente dans une conscience avant qu'il puisse arracher à l'invisible, à son double et à la lumière des lois de la vie qui lui permettront totalement de s'unifier à sa propre conscience dans la matière, il est entendu qu'il doit contester. Il doit contester tout ce qu'il ne comprend pas en lien avec sa propre conscience parce que le jour que l'homme sait très bien qui il est, il ne questionne plus la vie ou sa vie en lien avec son devenir, mais il va questionner la vie en lien avec la réalité cosmique de qu'est-ce que veut dire la liberté et de la vivre, cette liberté-là. Donc, pour arracher une autorité complète, l'ego doit assurément apprendre que l'entité maîtresse a une vibration particulière et cette vibration particulière-là est nécessairement liée à des formes comportementales dans l'ego qui peuvent aller de la négation, du doute, de la bravade, d'une culpabilité incessante ou encore d'une facilité à argumenter et de croire qu'on est intelligent dans l'argumentation. Pour corriger tous ces aspects, qu'il s'agisse de culpabilité, doute ou négation, il est impératif qu'une personne puisse, dans sa conscience, établir ou identifier ce qu'elle croit être pour elle, un talent ou encore une manière de s'imposer dans sa vie personnelle afin de défendre des territoires qui ne sont pas nécessairement réels. L'ego doit être éduqué par l'homme, c'est-à-dire que quand l'homme comprend que le double cosmique peut agir sur sa conscience à travers des forces lunaires qui qui sont celles de l'entité maîtresse ou du double sphérien, il change progressivement sa conscience de la vie parce que son ego devient beaucoup plus aux aguets des réalités occultes qui peuvent se passer dans les énergies d'une pensée. Et les énergies de la pensée étant astralisées ou astralisables lorsque l'ego se réfléchit, il ne peut pas voir automatiquement qui est l'entité qui dirige sur lui une telle énergie. Au préalable, l'homme devra apprendre à reconnaître que s'il est manipulé dans sa tête, il est nécessairement aussi astralisé dans sa conscience. Et lorsqu'il est astralisé dans sa conscience, il y a dans cette conscience une façon de voir qu'il ne peut pas comprendre. Et c'est à ce moment qu'il doit prendre le taureau par les cornes et exiger que du moment qu'il vit dans sa vie une opposition, il doit regarder si cette opposition-là lui amène dans sa conscience de l'intelligence pour la contrer, cette opposition-là, ou si encore elle lui amène simplement un comportement égoïque qu'il n'a pas su voir dans le passé, mais qui, un jour ou l'autre, il aura à le faire éclater. Cela ne veut pas dire que l'ego va souffrir parce que l'ego ne souffre pas de ce qu'il ne sait pas. Mais du moment que l'homme s'éduque dans son ego à toujours préciser la conscience de son ego en lien avec ce qu'il veut devenir, il ne peut pas négocier ses libertés sur le dos de l'entité maîtresse ou du double sphérien qui l'amènera ou l'incitera à vivre certains traits d'humeur dans son mental qui le pourchasseront ou qui le limiteront à comprendre qu'il y a toujours une entité qui se dresse derrière une réflexion. Et on ne peut pas réfléchir la vie, et c'est pour cela que l'homme, pour cesser cette réflexion sur la vie, aura à entrer en contact avec un double qui est beaucoup plus grand que son alter ego, en ce sens qu'il doit prendre sa conscience, descendre sur elle la certitude qu'il est toujours dans une étude absolue de comment il parle. Et lorsqu'il s'entend parler, l'homme, il peut voir dans cette façon d'entendre parler l'écho de son verbe évolutif ou réel qui va lui permettre d'élever sa conscience à un stade vibratoire qui jamais plus ne pourra être chevauché par l'entité maîtresse ou le double sphérien. Quand l'homme rétrécit le corridor de sa parole à un point tel que celui-ci devient un diamant, il est obligé de transiger avec l'énergie du double et le double cosmique ne peut pas, à ce moment donné-là, lui dire ou lui envoyer une vibration qui ne lui servirait pas. Et c'est pour cela que l'autorité de l'homme, en lien avec le double cosmique, doit être une totale conquête de l'homme, parce que cela est voulu par le double cosmique à travers l'utilisation du double sphérien ou de l'entité maîtresse, car tous les deux sont de la même énergie, c'est-à-dire que si vous comprenez que le double cosmique, c'est la partie du double qui utilise la conscience de la lumière pour amener l'homme à l'évolution, et si vous apprenez que le double luciférien, c'est simplement la contrepartie lumière de ce double cosmique qui utilise le monde de la mort pour faire évoluer l'homme, vous avez compris qu'il y a probablement aussi des entités qui sont jumelées à ce double luciférien qu'on peut appeler des entités maîtresses en lien avec des comportements dans l'ego. Et c'est cela qui amène l'individu finalement à ne pas voir le soleil derrière ce qu'on lui dit dans sa tête ou la pensée, parce qu'il y a un jeu de réflexion que lui-même doit traverser. Et lorsqu'il commence à traverser ce jeu-là, l'homme peut apprendre très rapidement à reconnaître la vibration d'une entité dans sa conscience ou de l'entité maîtresse ou simplement le travail du double cosmique pour avancer dans un double luciférien certains ajustements de l'ego. Et quand l'homme commence réellement à comprendre ce qui se passe, il ne s'inquiète plus de rien parce qu'il sait très bien que la lumière ne peut pas toujours le subjuguer ou le contrôler ou le manipuler par des énergies qui sont intermédiaires. Parce que la lumière elle-même ne s'impose pas d'être dans un rayonnement où des énergies intermédiaires servent à l'ajuster. Il en vient de même pour l'homme où les énergies intermédiaires pouvant servir à l'ajuster doivent être éclatées. Car l'homme, dans son principe cosmique, est un diamant pur qui doit avoir été assurément raffiné. Et dans son raffinement, sa voyance et sa vision de ce qu'il est de lui-même lui permet alors de contrecarrer tous les avancées d'une entité du monde de la mort ou de l'entité maîtresse sur sa conscience. Par le simple fait qu'il possède le Verbe et que sa conscience au niveau de sa tête est très, très appointée à une lumière qui est prépersonnelle, parce que l'homme a sa propre aura, il arrive à agrandir cette aura d'une manière absolue et c'est ce qui lui permet de voir par vibration, surtout lorsque cette vibration-là n'est pas ajustée, il le sait, parce qu'il y a un écho sonore qui ne répond pas à la dimension cosmique de sa propre intelligence et quand l'homme n'est pas mis en vibration dans sa propre intelligence par le Verbe d'une autre personne ou par l'énergie d'une autre personne, cela veut nécessairement dire qu'il est en capacité de voir qu'est-ce que l'autre lui présente. Et lorsque la vibration, c'est celle d'égayer sa vie, il sait très bien aussi la reconnaître. Et c'est pour cela qu'il ne se retranche pas dans ses terres, parce que un jour, l'homme aime rencontrer l'homme, mais il faut-il encore que cet homme-là soit libéré de beaucoup d'astralité parce qu'il va imposer dans le cheminement de sa conscience certaines astralités très puissantes. Et il faut entendre que l'entité maîtresse chez une personne que vous rencontrez va être la première à attaquer votre conscience sur le plan de votre aura parce qu'elle est aussi gravitationnelle en lien avec le fait que le double cosmique se sert dans chaque personne du double sphérien ou de l'entité maîtresse pour créer chez une personne son évolution. C'est-à-dire que cette évolution-là, qui n'est pas ajustée ou appointée suffisamment, va définitivement interférer sur le cadre vibratoire de votre propre conscience ou sur leur champ d'expérience de votre destinée. Et c'est à un moment que lorsqu'on comprend qu'il y a des consciences qui ne peuvent plus être corrigées parce que l'entité maîtresse est trop puissante, une personne voudra à ce moment se retirer progressivement. Et il ne faut pas penser qu'une conscience qui n'est pas ajustée ne cherche pas à bénéficier de la lumière de celle qui est avec elle. Elle fera tout simplement un travail de destruction parce qu'une conscience non ajustée ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il habite. Et ne sachant pas qu'est-ce qu'il habite, elle a donc un taux vibratoire qui est possiblement moins similaire au vôtre. Le jeu de l'entité maîtresse est nécessairement donc d'amener une personne à ne pas comprendre ce qu'elle vit, parce qu'en lui voilant sa réalité, le taux vibratoire de cette personne-là va diminuer et ainsi se pointera un jour la souffrance, parce que psychiquement, l'homme ne peut pas être habité de l'astral s'il veut être lumière. Pour traverser l'entité maîtresse, il est assuré que l'homme aura à faire des études de sa parole et de voir comment les autres aussi reçoivent sa parole, non pas pour discréditer sa parole, mais si, supposons, vous êtes toujours en opposition avec des gens, vous devez étudier cette réalité-là parce que si vous êtes en opposition toujours avec des gens, cela veut dire que vous n'êtes pas encore capable d'identifier avec précision ce que vous devez dire ou si encore vous avez à dire quelque chose à certaines personnes. De cette manière, si vous êtes capable de voir cela, il se peut que si vous dites des choses à des personnes, cela veut dire que vous avez des choses à prouver. Et quand on veut prouver des choses, on est toujours dans la réflexion. Dans la vibration, il n'y a aucune réflexion. Il y a simplement la beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté dans la vibration? C'est l'absence de réflexion. Et lorsque l'on parle avec les hommes, ce que l'on doit mettre en vibration, c'est la beauté de ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont est nécessairement un lien très rapproché avec leur propre lumière qui leur permet dans la matière d'être un talent. Et si le talent d'une personne est celui d'être un communicateur hors pair, mais il ne faut pas qu'il y ait dans cette personne et la communication qu'il dégage de la réflexion, parce que cela voudra dire que les autres le sentiront et qu'il y aura une réflexion qui les fera sentir à quelque part qu'ils sont moins intelligents que l'autre. Toute personne qui a traversé son entité maîtresse ou qui connaît au préalable les avancées de son entité maîtresse sur sa conscience s'intéresse d'abord et avant tout à dialoguer avec son double pour faire cesser toute pulsation d'une parole qui nécessairement n'amène pas l'homme à être dans un feu pour faire éclater dans sa conscience ou sur la conscience de la Terre les interfaces qui éliminent à chaque jour de la beauté ou qui éloignent de l'homme la beauté de sa conscience avec l'homme. Une conscience qui ne se pense pas va toujours être capable de mesurer son verbe et d'établir ce qu'elle veut dire sans qu'elle n'ait à penser que ce qu'elle a dit n'était pas cela. Pour neutraliser toute forme d'astralité dans sa conscience, il est préférable pour l'homme de commencer à s'attaquer à l'entité maîtresse parce que cela va lui permettre de voir comment son ego se comporte dans sa réalité, au niveau de sa parole et ses gestes. Et c'est à ce moment-là qu'il verra que les oppositions qui se créent dans sa tête, en lien avec sa propre vie, ne viennent pas de lui, mais viennent nécessairement des forces astrales qui veulent le traverser ou le manipuler pour qu'il n'arrive pas à être son propre diamant ou sa propre conscience cosmique. Toutes les personnes qui sont autour de soi peuvent être utilisées pour mettre en vibration l'entité maîtresse qui est en soi. Donc, si une conscience a un taux vibratoire de tel niveau, il est fort possible que dans son rayonnement, elle arrive à altérer suffisamment notre taux vibratoire pour accentuer en soi l'entité maîtresse sans que nous nous en apercevions sur le tas. Par contre, si l'homme arrive toujours à contester avec vigueur ce qu'il dit et le verbe dans lequel il apporte sa conscience sur la terre, et s'il apprend à contester lui-même ce qu'il dit en sachant que s'il brise l'harmonie des hommes sur la terre, il y a nécessairement un jeu qui se joue en lui. Et ce jeu peut provenir nécessairement de l'entité maîtresse qui tente par tous les moyens de brimer la beauté de l'homme en lien avec la matière. Car la beauté de ne pas se réfléchir amène ceci. Elle amène une plus grande compréhension de ce qu'est l'autre. Et lorsqu'on comprend qui est l'autre, on ne travaille pas contre lui. Et on ne travaille pas nécessairement avec lui, mais on travaille ensemble. Et cela veut dire que je sais ce qui me pénètre et je sais ce qui le pénètre. Et si on peut établir clairement que ce qui pénètre chacun doit être le respect à un niveau très avancé, cela veut dire que l'homme n'a pas à ensuite à essayer de corriger l'autre. Il ne s'agit jamais d'une question pour l'homme conscient de vouloir amener l'homme à évoluer. Il se retranche lui-même de cette capacité de faire évoluer l'homme parce que cela le fait totalement chier. Il vient un jour où l'homme n'est plus intéressé à faire évoluer l'homme. Ce qu'il veut, c'est la paix, la crise de paix. Et cette paix ne viendra jamais quand l'entité maîtresse veut entrer ou pénétrer l'homme, parce que cela veut dire que l'homme n'est pas assez scient de ce qu'il est pour établir que tout ce qui vient de l'extérieur en lien avec la capacité de s'opposer à l'homme doit venir nécessairement de sa volonté prépersonnelle à diffuser sur la terre la certitude qu'on ne peut pas le manipuler. Si on ne peut pas vous manipuler ou si l'homme ne peut pas être manipulable, c'est parce qu'il y a en lui énormément de lumière. Et cette lumière, c'est son aura. Et tout ce qui voudra aller vers cette lumière à l'encontre de la capacité d'éclairer ou d'élever le taux vibratoire de l'homme sera définitivement et totalement détruit par l'homme parce qu'il la verra, cette énergie. Et cette énergie, un jour, ne peut plus graviter autour de lui parce qu'il y a trop de conscience dans le fait qu'il sait très bien que tout ce qui vient des plans de la lumière doit être vu, reconnu et su par lui. Et c'est pour cela que la conscience, lorsqu'elle devient atomique, elle a pour mandat dans l'homme d'établir qu'on ne peut jamais le manipuler, parce que si on peut le manipuler, c'est parce que sa vision de la vie est manipulable. Une entité maîtresse peut manipuler dans la conscience de l'homme la vie parce qu'elle lui présentera des enjeux planétaires servant toujours l'évolution de l'homme. Et lorsque l'homme voit que l'évolution de sa propre conscience n'est pas liée au phénomène de la vie, mais liée au phénomène de la contestation absolue d'une compréhension parfaite des univers parallèles en lien avec l'explosion de sa conscience, il reste dans cette explosion de conscience parce qu'il n'entend plus dans sa conscience être le cheval expéditif d'une bonne parole sur la terre. Il est lui-même sa parole, il entend ce que les autres hommes disent et il se retranche graduellement dans ses propres territoires pour ne pas être exposé à trop d'interférences et trop d'oppositions qui lui casseront les pieds. L'homme conscient ne veut pas se faire casser les pieds. Ainsi, il prend toujours dans la vie ce qui est bien pour lui, pour le servir dans une paix totale, parce que le reste ne l'intéresse pas. Et c'est pour cela que l'entité maîtresse doit être mise au pas, ou le double luciférien doit être amendé dans la conscience de l'homme, parce que l'homme est directement dans sa conscience cosmique son propre double, c'est-à-dire qu'il est sur la Terre en lien avec la réalisation de sa propre conscience atomique qui est celle de toujours générer pour lui-même de la beauté et ne jamais se soucier de ce que les autres pensent pouvoir faire pour lui. Car par vibration, les gens qui sont autour de lui, il saura les capter et il saura voir si cette vibration-là lui permet d'égayer sa vie, de se reposer ou, à l'inverse, si cette vibration-là, qui est possiblement astral, en lien avec une entité qui interfère sur la conscience de l'individu, une façon de lui casser les pieds ou tout simplement de lui faire perdre de l'énergie et de l'amener à vouloir un jour briser ce lien avec les hommes parce que cela ne lui sert plus dans sa vie personnelle, à quelque niveau que ce soit. Lorsque l'homme a traversé sa propre entité maîtresse ou qu'il a conquéri les énergies de sa conscience, il est assuré qu'il verra plus facilement ce qui se trame dans la conscience des autres. Et c'est pour cela qu'il peut faire avec les hommes en autant que certaines personnes soient reconnaissantes de la capacité à respecter celui qui sera ou celle qui sera capable de l'instruire. Car une personne qui refuse à un certain niveau l'ouverture de l'étude avec l'homme ou d'être non pas instruit dans le sens qu'elle a besoin de savoir des choses, mais dans le sens où une personne aime étudier la vie avec l'autre d'une façon intelligente, il y a toujours dans ces échanges avec les hommes une possibilité d'égaiement pour le mental de l'homme qui se conscientise ou le mental de l'homme qui est déjà ajusté dans sa propre lumière parce qu'il a accès vibratoirement au talent des hommes pour tout simplement augmenter la beauté de son propre mental avec la conscience d'une terre qui doit elle aussi monter en vibration et s'ajuster à l'homme quand l'homme sera capable de lui dire à cette terre qu'il y a des lois de la vie qu'il veut faire descendre sur celle-ci. Mais cela prendra du temps parce qu'il y a beaucoup d'interférences, mais ce que l'homme peut faire aujourd'hui pour lui-même, c'est ceci. C'est de se créer un havre de paix et s'assurer que ce havre de paix-là correspond toujours à sa beauté. C'est donc dire que s'il y a des vêtements ou des objets qui ne servent plus, l'homme doit nécessairement les faire circuler. Il doit s'en déposséder, il doit tout simplement s'en débarrasser parce que cela peut amener des mémoires qui peuvent nourrir encore le monde de l'âme ou le monde de la mort en lien avec l'entité maîtresse. L'homme doit toujours se mettre à jour dans sa conscience et doit toujours être à jour dans sa conscience. Il ne doit pas penser qu'il n'y a pas dans la matière ou dans le monde de l'âme ou dans le monde invisible des énergies qui voudront toujours l'abaisser dans sa vibration pour pouvoir le manipuler. Quand l'homme sait toujours cela, quand il est toujours scient qu'il y a toujours autour de la conscience de la Terre des énergies et qu'il sait que son taux vibratoire doit les aveugler, ces énergies-là, il est à ce moment son propre soleil, sa propre conscience de savoir que tout ce qui veut le contraindre à de la manipulation provient nécessairement des formes astrales et lunaires de la Terre qui n'ont pas encore été évacuées. Et pour vivre sur cette Terre, l'homme ne peut pas la quitter, il doit l'habiter. Et pour s'habiter sans être manipulé, il doit s'habiter totalement. Il doit avoir une compréhension absolue qu'il y a des entités qui, non pas par méchanceté, voudront le manipuler, mais par le simple fait qu'elles ne sont pas éduquées et qu'elles servent aussi le monde de la mort ou le double cosmique pour attirer vers lui des énergies astrales. Principalement, l'homme doit pouvoir reconnaître qu'une entité maîtresse qui agit sur sa conscience va créer des dégâts à long terme. S'il ne réussit pas à la maîtriser pour lui enlever son statut, c'est-à-dire de le faire évoluer, ou encore de lui créer suffisamment d'ambivalence et de doute pour l'amener à ne pas savoir comment contester ce qui se passe dans sa vie personnelle, il est assuré que l'entité maîtresse sera toujours pour lui une interface qui l'amènera nécessairement à ne jamais reconnaître où il veut aller et la direction que doit prendre sa vie. La femme et l'homme ne composent pas de la même manière avec l'entité maîtresse parce que l'entité maîtresse peut être assignée davantage pour l'homme dans un geste d'orgueil, car l'homme aime savoir qu'il sait les choses et on peut facilement lui cacher par l'interface d'une entité maîtresse de la connaissance qu'il pensera être nécessairement de l'intelligence. Pour la femme, cette entité maîtresse-là peut sembler être un peu plus dirigée vers la capacité qu'elle se culpabilise ou qu'elle est dans sa générosité non pas réelle et qu'elle pense que l'amour qu'elle détient pour l'homme est une émotion. Et dans ce cas-ci, l'entité maîtresse ne dira jamais à la femme qu'elle doit se libérer de ses craintes pour après et ensuite être la totale résurrection de sa conscience. C'est la même chose avec l'homme. S'il n'est pas capable de diriger son verbe vers la capacité de toujours comprendre que s'il dit et s'il parle dans son verbe, il doit y avoir aussi dans celui-ci une capacité de transiger avec l'homme avec une totale égalité et une totale froideur. L'entité maîtresse est toujours une composition vibratoire qui amène dans l'ego une certaine diffusion ou une certaine complémentarité de son degré d'astralité pour l'intensifier et le rendre encore plus imperceptible à sa conscience. Pour renouveler sa conscience et faire éclater l'entité maîtresse, l'homme doit s'appliquer dans tous les jours à remarquer comment il parle et c'est cela qui, dans la capacité de parler correctement, il pourra voir que l'entité maîtresse se joue de lui quand il n'est pas assurément dans sa conscience totalement neutre. Et la neutralité est importante parce qu'elle établit la froideur de l'ego en lien avec la compréhension de sa propre expérience. Et c'est à ce moment qu'il peut facilement voir comment l'entité maîtresse peut agir ou le double sphérien peut agir parce que le double cosmique veut fusionner avec l'homme et s'il ne peut pas fusionner avec l'homme, c'est parce que l'homme ne voit pas assez le jeu de ses propres craintes qui en lui sont utilisées pour faire rayonner sur sa conscience l'entité maîtresse ou le double sphérien.